à la même quatrième. Dans ce moment, les politesses, les souhaits 20 fois répétés et les ennuyeuses caresses pleuvent sans doute à tes côtés. Après ces compliments sans nombre, l'amour fidèle aura son tour. Car dès qu'il verra la nuit sombre remplacer la clarté du jour, il s'en ira sans autre escorte que le plaisir tendre et discret, frappant doucement à ta porte, t'offrir ses vœux et son bouquet. Quand l'âge aura blanchi ma tête, réduit tristement à glaner, j'irai te souhaiter ta fête, ne pouvant plus te la donner.